Non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. C'est... Moi non plus. Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? À ton avis, comment on fait les bébés? Bah, on met une graine dans l'oreille, et après, ça tombe dans le ventre, et après... De l'oreille, ça tombe dans le ventre. Je voudrais avoir la version d'Alexis, parce que c'est très important. Comment fait-on des bébés, Alexis? Comme nous sommes des mammifères, La troisième erreur, c'est vous exprimer, je vous l'ai dit au début, de manière inaudible. Effectivement, quand on vous pose la question, vous répondez clairement à la question d'une manière audible afin que votre réponse soit claire et que le magistrat puisse comprendre, tout simplement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide de culture. Et cette fois-ci, c'est l'avocatier que je vais vous présenter. Non rémunéré, utile à la collectivité. Il prévoit la suspension. Et grâce à sa chronique Antidote, tous les jours, on s'ouvre un peu plus au développement personnel. Bonjour Anne Cazebon. Vous allez tomber de votre chaise. Justement, je suis là. Alors Anne, aujourd'hui, avec vous, on va tendre l'oreille, prêter attention à ce que l'on dit. Mais oui, vous le savez, dans cet antidote radiophonique, je vous invite à mettre un peu plus de conscience sur la manière dont on parle des autres et de nous. Parce qu'au fond, c'est la même chose. Alors je tends l'oreille, puis l'autre, partout, dans les transports, au bureau, dans la rue. Et même si je suis d'un éternel optimisme, que je me dis que le meilleur est à venir, parce que le pire, on l'a déjà connu, que je reste accrochée à l'idée qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise et d'une belle rencontre, en tendant bien l'oreille, on se rend quand même compte que c'est pas joli joli. Hein, parce que vraiment, toute la sainte journée, on répète à qui veut bien l'entendre. Donc, pour ceux qui découvriraient ma chaîne au travers de cette vidéo, et je pense qu'il va y avoir des personnes qui tombent sur cette vidéo par hasard, sachez que si ce genre de vidéo vous plaît, vous pouvez retrouver sur ma chaîne déjà 150 guides, toujours réalisés de la même manière que cette vidéo. Et rangé dans des playlists par catégorie, donc vous avez une playlist potager, arbre fruitier, arbuste, il y aura les fleurs, il y aura les arbres, il y aura les plantes aquatiques par la suite. Il y a une playlist multiplication des végétaux, avec toutes les méthodes de bouturage, de greffage, de marcottage, de division. Donc je vous invite, si ces vidéos vous plaisent, à aller voir tout ça.